Je m'en vais revenir, qu'on me l'égorge tout à l'heure. Hein? Qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Hein? Ne vous épouvantez point. Je suis homme, ne vous point scandalisez, et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre mère. Oh, ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin! Et je m'en vais te faire pendre si tu ne me le rends! Mon Dieu, ne le maltraitez point! Je vois à sa mine qu'il est honnête homme, et que, sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal, et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Et il n'est pas que vous ne sachiez quelque nouvelle de cette affaire. Mais c'est justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu à ruminer? Laissez-le faire. Il se prépare à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Lui qui me paraît si fidèle? Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui. Vraiment. Où était-il, votre argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend. Mais dépeignez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. Celle qu'on m'a volée est petite. Eh oui, elle est petite, si on veut le prendre par là. Mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur, là. D'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle pas rouge? Non! Grise. Ah oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a point de doute, c'est elle, assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Ciel, à qui désormais se fier? Il ne faut plus jurer de rien, et je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela.